des locataires, on pose en tous nos revendications. S'il faut, nous les imposerons, mais aujourd'hui, ne nous laissons plus faire. À la cloche de bois, on vous parle des luttes pour l'accès au logement pour toutes et tous. Et en soutien en lieu de vie alternatif et autonome, avec ou sans papier, à Bruxelles et ailleurs. Une fois par mois sur les ondes de Radio Air Libre, Radio Panique et Radio Campus. Salut, comme vous le savez, ou peut-être pas encore, en septembre 2022 était diffusée la dernière émission en direct d'À la cloche de bois, avec l'équipe existante. Nous en profitions pour lancer un appel pour trouver des nouvelles énergies. Si pour l'instant il n'y a rien encore de concret, une tentative est en cours. Si vous voulez faire partie de cette éventuelle nouvelle aventure, écrivez-nous à la cloche de bois à 13.net. On vous donne des nouvelles en 2023 via l'agenda à Retsch ou sur stud.info sur une reprise ou non de l'émission et sur son nouveau format. En attendant, il n'y aura pas d'émission de rediffusion pour le mois de janvier 2023. Pour cette dernière émission mensuelle de décembre 2022 à la cloche d'abois, Wendy nous a fourni encore des anecdotes pour la rubrique Histoire des squats et on reprend une partie d'une longue émission de la Distro Lapinothèque du mois de novembre 2022 dans laquelle Titi présente et s'ouvre enfin La Maison Close, éditée par la brochure Demain la Flamme, avec l'interview de l'auteur. Ça parle d'une histoire d'un ancien squat bien connu à Toulouse en France. Donc pour celles qui n'ont pas encore trouvé le temps pour écouter cette émission de la Distro Lapinothèque ou qui n'ont pas tenu jusqu'au bout, c'était une émission spéciale de 2 heures, on reprend cette partie ici. Et on terminera avec de la poésie et l'impro de Mr. Paul et Balthazar avec un mot d'adieu de l'équipe actuelle à la cloche de bois. Bonne écoute. Très contente de vous proposer une rubrique, celle des petites histoires des squats bruxellois. Parce que ces rues de cette belle ville bruxelloise est parsemée de petits récits, histoires, expériences des squatteurs, squatteuses qui ont vécu et lutté, des histoires drôles, des histoires tristes, des histoires qui foutent la rage et des histoires qui nous donnent chaud au cœur. Bonne écoute! Et si vous avez des histoires à partager, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à lacloche-de-bois@riseup.net ou nous en parler tout simplement. On avait pour projet d'ouvrir un squat dans un endroit qui semblait abandonné, c'était un ancien home. Et les personnes qui devaient aller ouvrir l'endroit ont d'abord sonné à la porte, et juste pour vérifier, et c'est à ce moment-là que quelqu'un est descendu, habillé propre sur lui, et du coup c'était relativement étonnant comme rencontre, on ne s'attendait pas vraiment à ce que quelqu'un sorte, on avait repéré le lieu avant, et donc c'était étonnant parce que le mec était propre sur lui, et en même temps bien habillé, et en même temps était à pieds nus. Et du coup, ce qui nous indique clairement qu'il dort là, il est là pour surveiller l'endroit. Et du coup, ce squat n'a pas pu se faire et on a dû réfléchir à d'autres endroits à trouver. Quite frankly, I mean, these businesses, they're not going to bow to people dancing in the streets. They're not going to bow to people. volkswijken vernield. Bevolkingsgroepen worden systematisch gestigmatiseerd. Mensen die in plaatje passen worden verdrongen. Steeds verder geïsoleerd in eigen problematiek. Typisch verhaal van wijken voor de rijken. Alleen de blanke middenklasse zijn gevierd. Krakers worden gedemoniseerd, krijgen geen verhaal. Waar stopt de waanzin van de steekvlam politiek? On était rentré dans le bâtiment et l'alarme a sonné. On s'est dit tant pis, on referme et on va dans le parc et on va se cacher. Et on s'est dit non mais l'alarme elle continue de sonner donc il faut absolument régler ça. Et c'est à ce moment-là qu'on entend un bruit de canard et on s'arrête tous et on voit la voiture de police passer. Et c'est là qu'on se dit, purée, heureusement qu'il y a eu les canards. Et les canards nous ont sauvés, en fait. Et donc, on n'est pas retourné, on est parti. Et l'alarme a sonné toute la nuit. Donc, merci les canards. Super. On devait ouvrir un squat et du coup, il y avait nous qui devions garder l'endroit pendant un petit temps. et il y avait des gens qui étaient dédiés au fait d'ouvrir l'endroit. Et quand ces personnes ont été pour avoir accès à l'endroit, ils ont d'abord sonné à la porte, et quelle ne fut pas leur surprise lorsque quelqu'un descendit, bien habillé, propre sur lui, ainsi que pieds nus, ce qui indique clairement qu'il avait dormi là, et du coup, à cause de ça, le squattage n'a pas pu se faire, et nous étions bien dépourvus de toute solution. 2, 3, 4! The world is yours, and the law is yours. It's the beginning of a new d'entendre la chanson Squat the World, reprise par le groupe punk bruxellois Social Retards. Et la chanson dans la rubrique Histoire des squats que vous avez entendue, c'est du groupe Pesticide, et le titre de la chanson c'est Project Dullos. On est toujours à l'émission À la cloche de bois, avec maintenant une rediffusion d'une partie de la dernière émission de Distro la Pinothèque de novembre 2022. Quoi de neuf, docteur ? À la radio, bien souvent, on nous donne des cours d'histoire, de cuisine et d'anglais. Tous ces sujets n'intéressent personne, mais moi je sais bien ce qu'il nous plairait. La Distro la Pinothèque, c'est de la diffusion de brochures, de livres, de disques, de vinyles, du mouvement social, du punk, des zombies, de la marée chaussée pendue par ses pieds. C'est à l'écoute de la Distro la Pinothèque dans l'émission Tranche d'Anard sur Radio Air Libre. Tranche d'Anard, c'est tous les mercredis de 20h30 à 21h30. La Distro la Pinothèque, c'est le dernier mercredi de chaque mois à 20h30. Tout ce bazar écoutable sur le 87.7 FM à Bruxelles et partout dans le monde sur radioaireslibre.net. Ne vous excusez pas, ce sont les pauvres qui s'excusent. Quand on est riche, on est désagréable. Allons! Et pour terminer cette émission, on va se parler de la brochure revue Demain les Flammes avec une interview de son éditeur Paulin qui va parler d'abord des brochures et des éditions Demain les Flammes Puis on va surtout causer de sa dernière publication et s'ouvre enfin La Maison Close, qui parle d'une expérience entre 1996 et 2006 d'un squat à Toulouse appelé le Clan D, qui était une ancienne maison close. Mais avant d'écouter cette interview, je voulais faire quelques précisions. D'une part, cette interview a été réalisée par la librairie Météor dans les Marolles. Et bon, je suis certain que si on avait réalisé cette interview, les questions auraient été d'une toute autre nature. Pour nous, cette publication pose question au niveau de la légitimité de son auteur, qui reprend la parole de squatteuse et squatteur. Et nous, ce qu'on dit, attention, c'est compliqué comme exercice. Puis, on ne dit pas ça en l'air. On a eu des retours critiques d'amis et d'amis qui ont participé à cette expérience de squat qui s'appelait le Clan D. Voilà, puis on trouve très discutable cette histoire de marchandisation des expériences radicales telles que le squat Clan D, parce que c'est quelque chose qui pourrait être une revue, un livre accessible, et puis ça devient un produit de consommation avec un certain coût. Et là, nous, en tant que distro Lapinothèque, c'est pas notre optique. Comme vous le savez, chez nous, on fait pas de bénéf. Allez, bonne écoute. Alors, merci beaucoup à tout le monde d'être là ce soir pour la revue Demain les Flammes. Merci beaucoup, Paul, hein, d'être là. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait un moment qu'on a découvert la revue à la librairie, qu'on la lit avec plaisir, qu'on la partage avec plaisir. Et aujourd'hui, on va principalement parler de ce numéro-là et s'ouvre enfin la maison close. On en parlera, qui est conçu de manière assez spécifique, surtout pour une revue en fait, mais ça on va en parler. À la base, c'est plutôt une revue qui vient de l'héritage du fanzine, finalement qui a aussi une maison d'édition, ça on va en reparler aussi. Et donc, comme je disais, ça c'est pas un livre mais une revue. Et donc, les questions de base pour commencer, Demain les Flammes en fait, comment c'est né et avec qui ou ça. Et puis, si tu peux aussi dire un petit mot sur le titre que je trouve très beau. Demain les flammes commençaient, comme tu l'as dit, ça vient du fanzine. Enfin, j'ai un peu toujours pratiqué le fanzinat, on peut dire, depuis l'adolescence, quoi. Et j'avais un fanzine avant où je cherchais un peu, je cherchais, chaque numéro était un peu différent et tout. Et en 2016, j'ai un peu voulu repartir de zéro avec, on va dire, une continuité assez forte, donc avoir tout le temps le même format, avoir un peu le même genre d'article, donc ça a donné Demain les Flammes, donc que je fais moi tout seul. Enfin, quand je dis moi tout seul, c'est moi qui fais les choix, c'est moi qui vais l'éditer à proprement parler, mais évidemment c'est pas moi qui ai écrit les textes. Il y a plein de gens qui participent pour l'impression de la couverture en sérigraphie, ou bien il y a un imprimeur qui travaille pour l'impression de l'intérieur, le façonnage, etc. Donc c'est quand même... c'est pas une entreprise collective dans le sens où ce serait décidé à plein, ça c'est dans les autres points de ma vie, mais voilà. Ça a été créé où ? À Toulouse. D'où je viens. Et le nom, Demain les Flammes, en fait, c'est extrait d'un univers littéraire que j'aime beaucoup, qui s'appelle le post-exotisme. Donc, je sais pas si ça vous parle un petit peu, mais c'est un auteur qui s'appelle Antoine Volodine qui a créé ça. Donc Antoine Volodine se dit le porte-parole du mouvement post-exotique, donc qui serait un ensemble de textes et de livres écrits dans les années 70, beaucoup dans l'univers carcéral, dans les camps, dans les prisons, dans un monde qui raconte un peu un monde post-révolution, où les êtres seraient entre la vie et la mort, il y aurait du chamanisme, et il y aurait toujours le rêve d'une révolution à venir, peut-être, qui pourrait peut-être advenir et réussir, même si on se rend compte qu'on est toujours dans les bas-fonds et dans les gens qui perdent. Voilà, bon, c'est un univers assez fou. En vrai, il a écrit une quarantaine de bouquins, et Demain les Flammes est un ouvrage du post-exotisme qui fait partie d'une bibliographie dans un livre qui s'appelle Le post-exotisme en 10 leçons, leçon 11. Voilà, donc ça vous donne un peu une idée. C'est hyper sombre, en même temps vraiment drôle, et l'idée de Demain les Flammes, c'était de piquer un peu ça, et potentiellement, si des gens arrivent à cet univers littéraire par ce biais-là, ce serait chouette, parce qu'en vrai, ça n'a rien à voir avec la revue. La revue, c'est comment, donc tu disais, tu l'as fait tout seul, comment tu fais, par exemple, chaque numéro, quelle est ta ligne directrice, est-ce que tu contactes les gens, est-ce qu'on te contacte, ça se passe comment au niveau de cette fabrication avec, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui écrivent dedans, en fait, finalement, ouais. Quand on regarde un numéro, donc ça se passe comment, ça, au niveau de la fabrication? Ouais, l'idée de la revue, c'est de parler globalement des contre-cultures, quoi, on peut appeler ça comme ça, des cultures d'en bas, beaucoup du punk parce que c'est quand même ma culture, enfin vraiment là de où j'évolue, on va dire, mais de pas parler exclusivement de ça, avec l'idée qu'on peut de raconter des choses assez précises, des fois un peu de niche, mais sans le réserver à des gens qui connaîtraient déjà ces espaces et ces cultures. Donc avoir une sorte de revue un peu spécialisée, mais pour qui peut aussi s'adresser à des néophytes. Je mets un peu des guillemets, mais l'idée c'est vraiment ça, des formats un peu, on rentre un peu dans l'histoire d'une musique, mais par le côté social. Donc même si on connaît pas la musique, on peut quand même trouver des choses, on peut trouver des enjeux politiques, des enjeux sociaux à réfléchir. On peut voilà, donc ça c'est un peu l'idée générale, de prendre un biais contre-culturel et d'arriver à le faire lire à des gens qui s'intéresseraient pas nécessairement. Donc après voilà, les sujets ça parle beaucoup de musique, de littérature, d'art graphique, autour de la gravure, de la photographie. Et en effet, j'essaie de concevoir les numéros, j'essaie de créer des unités, donc je sais pas si c'est visible, mais en tout cas, moi, ça me prend beaucoup de temps d'essayer de faire des liens entre les articles, de faire des continuités, et d'avoir un numéro cohérent. Donc voilà, la cohérence étant celle que je veux bien y mettre. Mais en tout cas, de trouver un équilibre aussi entre les différents sujets. Donc en effet, j'essaie de contacter des gens. Il y a pas mal de traductions, donc là c'est de la lecture beaucoup depuis l'anglais parce que c'est la langue que je suis capable de lire. Mais il y a eu des propositions, par exemple un article traduit du polonais, ça j'étais vraiment super content. Donc c'est l'histoire du punk en Pologne, un traducteur du polonais qui a pu faire ça. Donc ça c'est vraiment des choses, je suis hyper heureux quand il y a une sorte de conjonction entre des gens qui proposent des trucs pour la revue et puis... Et puis l'intérêt moi que je porte à tout ça, et puis avec l'idée aussi de proposer des formes de narratives un peu différentes, un peu originales, de réfléchir à la manière dont on écrit sur ces cultures, quoi. Donc il y a notamment un article que je trouve vraiment génial qui raconte l'histoire d'un magasin de donuts à San Francisco depuis les années 60. Et au travers de l'histoire de ce magasin de donuts, il raconte en fait toute l'histoire du quartier, donc le quartier du Mission, et la transformation du quartier, qui était un quartier populaire et qui vraiment est gentrifié au cours des années 90-2000. Et par exemple, là, voilà, je trouvais ça, à la fois l'histoire est géniale, parce qu'on découvre tout un pan d'une histoire cachée un peu de San Francisco, complètement inconnue, et en même temps, se centrer sur un lieu comme ça, qui est un lieu complètement, je veux dire, on parle d'un magasin de donuts, donc ça pourrait être une boulangerie, un truc quotidien, et ben en fait, à partir de là, on arrive quand même à tout redéployer. Et ça, c'est des trucs que je trouve vraiment super à proposer, quoi. Voilà, mais ça, il n'y en a pas à chaque numéro. Parce que... ouais, mais c'est un truc aussi, ben, j'y vais petit à petit, on va arriver et s'ouvre enfin la maison close, mais je trouve que c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans ce texte, d'ailleurs, c'est qu'on part de certains points, il y a pas mal de points qui vont s'entrecroiser, et tout d'un coup, en fait, on se rend compte qu'on parle pas uniquement que d'un lieu, mais en fait d'une génération, d'une époque, etc. Mais ça, on y reviendra. Parce que aussi ton histoire de magasin de donuts, ça me fait penser un peu à l'ambiance de certains bouquins qui sont édités à l'édition Demain les Flammes. Et donc je voulais peut-être que tu nous dises un peu aussi comment c'est venu le projet de maison d'édition, quel genre de texte tu travailles, et peut-être nous parler un peu de ouais. Cette maison d'édition. Ouais, ben clairement, y a vraiment des liens. L'idée des bouquins, donc là, il y en a combien ? 6 qui ont été publiés, dont 4 du même auteur qui s'appelle Aaron Comet Buss, qui vient de la côte ouest des États-Unis, de Berkeley. Justement, c'est l'idée de ces bouquins, c'est un peu de prolonger ce que je peux déjà travailler un peu dans la revue, quoi. C'est réfléchir à des formes d'écriture sur des contre-cultures. Mais là, dans des formats un peu plus longs, vu qu'on est dans des bouquins, quoi, et que ça ne tiendrait pas dans une revue. Et aussi explorer plus le pendant littéraire. Je ne cherche pas forcément à combler des manques et tout, mais je me dis quand même que le punk a... vu que les bouquins sont plus centrés sur le punk, malgré tout. Mais le punk a une grosse production discographique, évidemment. Il y a beaucoup de fanzines, mais il y a peu de production littéraire, peu de fiction... Il y a peu ce boulot qui est vraiment fait de raconter un peu l'envers du décor, quoi. Moi, c'est un peu ça qui m'intéresse. C'est pas tant ce qui se passe sur la scène, mais plutôt ce qui va se passer une fois que le concert est terminé. C'est ça que je trouve toujours un peu plus attrayant et qui, pour moi, est plus communicable aussi que uniquement des trucs de fans de musique, quoi. C'est ce qui fait la vie dans ces scènes-là, dans ces communautés, que je trouve passionnant. Et du coup, les bouquins, et c'est un peu de... Enfin, ce que j'essaie de mettre dans ces livres, c'est cette idée-là. Et ce que je retrouve beaucoup dans le travail d'Aaron Comenbus, notamment, qui lui fait un fanzine depuis le début des années 80, qui l'auto-édite, qui l'auto-diffuse. Et il a fait donc, à la fois c'était des fanzines assez classiques au départ, et puis ensuite il a fait des romans, il a fait des enquêtes sur le punk et les contre-cultures, notamment la contre-culture hippie. Et voilà, donc l'idée c'est un peu aussi de passer par le truchement de la traduction pour donner à lire ces textes, à la fois parce que je les trouve très bons littérairement parlant, et aussi parce que je trouve qu'ils donnent encore une fois des pistes. De manière de raconter ces histoires qu'on raconte pas forcément trop. Et on se fait une pause musicale avec le groupe Emocore Crotal, Les mauvais jours finiront. Et on poursuit l'interview de Paulin des éditions Demain les Flammes qui présente et s'ouvre enfin la maison close. Ouais, voilà. C'est ça. Et alors, du coup, ce numéro-là, justement, et s'ouvre enfin la maison close, bah, il a tout d'un magnifique livre et pourtant ça reste un numéro de la revue. Et je me demandais pourquoi, en fait, tout simplement. Ouais, bah, je crois que j'ai pas. C'est à la fois un numéro de la revue, en même temps, il n'y a pas grand monde qui le relève comme tu le fais là. Donc, bah parce que c'est pas super clair et je pense moi j'avais eu un peu une indécision là-dessus, quoi, de pas vouloir m'assumer comme auteur. Je pense qu'il y avait ça. Donc le publier en livre, ça aurait voulu dire, bah, je sais pas, pour respecter les lignes graphiques, mettre un nom sur la couve. Même si j'ai un pseudonyme, ça reste mon nom. Je pense que j'avais un peu du mal avec ça et je considère aussi que. En tout cas, au moment où je l'ai sorti, mais peut-être je bouge un petit peu maintenant en voyant les retours qu'il y a sur le bouquin et les discussions qui suivent. Je me considérais peut-être presque plus comme une sorte de gros éditeur d'un ensemble d'entretiens que j'avais pu mener et de pas me considérer véritablement comme l'auteur du texte. Ce qui est, je pense, une position un peu vraiment discutable et sur laquelle un peu je reviens maintenant, mais c'est des trucs qu'on peut discuter. parce que ça touche à la fabrique d'un récit, d'une histoire collective par une seule personne. Enfin, je pense qu'il y a plein d'enjeux là-dedans qui sont quand même qui sont importants. Et voilà, donc je pense que j'assumais pas forcément, et puis c'était aussi plus simple pour moi, mais encore une fois là c'est une cohérence, des cohérences que je me crée moi, mais de publier des gens dans des bouquins qui sont pas moi, et vraiment dans la revue, c'est un peu mon truc, et j'assume ça comme étant un espace. Et c'est quand même quelque chose qui nous intéresse ici, nous aussi en tant que libraire, simplement, c'est la fabrication du livre, par où il passe, comment... tu te débrouilles en fait pour faire ce type d'objet là, comme tu en fais d'autres aussi, mais, mais vraiment savoir un peu par où tu passes en fait pour faire ça. Ouais. Bah, par un imprimeur qui a tout fabriqué, et ça coûte cher, ce papier là et cette fab, ça c'est sûr. Après le prix, ben, c'est que dans l'économie, moi là je fais la distribution moi-même, du coup il y a un intermédiaire en moins qui a d'habitude dans les livres, où il y a un diffuseur-distributeur, donc là il faudrait rajouter au moins 3-4 euros juste pour le travail de ces entreprises-là. Donc il n'existe pas. Après, moi, je ne me voyais pas non plus faire un livre trop onéreux quand on parle de pratiques comme le squat, où justement, c'est des gens qui font des efforts pour tout rendre accessible par le prix libre, où le prix ne doit jamais être un frein à l'accès à ce qui est proposé, qui réfléchissent aux notions d'argent, etc. Donc quand même, il y avait un enjeu aussi que le livre soit lu par des personnes qui évoluent dans ces milieux, donc... d'essayer de faire un prix le plus bas possible. Et des fois, comme il y a pas mal de fabrications un peu artisanales, à moitié artisanales pour des couves et tout, là, c'était pas possible. Moi, j'avais accès à aucune machine, il faut vraiment des trucs... Enfin, c'était beaucoup plus simple de passer par un imprimeur qui a quand même un peu galéré, apparemment, à finir, mais qui a fait un beau truc. Et après, pourquoi cette couve ? Ben, c'est sûr, c'est un peu chic, mais pour moi, il y avait l'idée, bon, au-delà du kiff un peu perso, de dire quand même un bouquin avec une couve en velours, il y avait l'idée de l'hommage, parce que, bon, on en parlera, mais le squat, voilà, c'est un lien vraiment avec ce qu'était ce squat. Et pour moi, c'est aussi dire, ben, en fait, c'est une histoire... Il y a peu de livres et tout sur ce genre d'histoire, et pour moi, elles ont vraiment de la valeur. Et il y avait l'idée de rendre hommage à cette histoire aussi par la forme graphique, quoi. Tout ce que j'ai pu témoigner, tout ce qu'on a pu me donner comme témoignage, me raconter comme histoire, me transmettre, bah, j'avais aussi envie de rendre par la mise en édition, une forme de... Enfin, c'était ma manière à moi de dire que cette histoire me semblait précieuse et qu'elle valait vraiment la peine d'être lue, quoi. Et alors justement, bah, là, on va peut-être plus entrer dans le vif du sujet. Et en fait, bah, justement, ma première question, c'est marrant, c'est un peu celle que tu soulevais juste avant, où tu disais que finalement, bah, ta position sur ta production, elle est un peu ambiguë, finalement, même pour toi, entre auteur, etc. Et en fait, moi, c'est marrant parce que j'ai eu plusieurs moments où je me suis dit, ok, c'est une collection de témoignages et tout, avant même de l'avoir lu, c'est comme ça que je l'avais vu présenter et tout. Et donc, je commençais à le lire. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, c'est fou, parce qu'il y a quand même un putain de travail de narration, en fait. Et en fait, c'est marrant, parce que moi, je suis parti vraiment du truc où t'es arrivé en disant peut-être que je suis plus éditeur, etc. Enfin, en fait, sans devoir faire des grandes distinctions, hein, je dis juste par rapport à une perception du texte. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est fou, l'auteur, donc toi, a dû quand même faire un vrai travail, parce qu'en fait, on entre d'une certaine manière... On évolue, il y a des personnages qu'on rencontre pour la première fois, il y a des personnages qui reviennent, enfin on pourrait presque, ça pourrait être un roman dans une vie parallèle, ça pourrait être un roman. En même temps ça pourrait, et ça aussi je trouve que c'est hyper intéressant, on en parlait un tout petit peu juste avant, bah, c'est aussi un vrai bout d'archive en fait. Et tu pourrais très bien te présenter presque comme un historien en fait. Et donc voilà, en fait je me demandais... Enfin, je voulais rebondir et puis que tu puisses rebondir sur toutes ces facettes-là et sur, j'imagine que du coup, est-ce que tu l'as fait relire ? Parce que comme tu travailles tout seul, est-ce que tu l'as quand même fait un travail d'édition avec d'autres gens pour avoir des regards différents ? Comment ça s'est passé ? Comment tout ça, en fait, s'est passé pendant le travail jusque maintenant, quoi ? Ouais. Ouais, il y a plein de trucs. donc le bouquin, c'est un montage de témoignages émanant de 25 personnes. 24 pour être exact. des témoignages qui ont dû, des entretiens qui ont duré entre 1 heure et 5 heures. Et à partir de ça, j'avais une matière brute que j'ai voulu monter avec vraiment l'idée de créer une narration. T'évoques, enfin ça c'est vraiment très important pour moi. Je voulais qu'il y ait, que les gens qui lisaient le livre puissent rentrer dedans et le lire assez vite, être embarqué un peu par un rythme qui était celui de ce que j'ai compris comme étant la vie de ce lieu et le lieu de lieux similaires dans lesquels j'ai pu traîner. Où ça va vite, c'est assez intense, et où t'es vraiment pris là-dedans. Donc je voulais un peu reproduire ça, et clairement il y a j'apparais pas du tout dans le bouquin, c'est que les gens qui parlent, mais c'est vraiment moi qui orchestre tout ça, quoi. Donc qui choisit les moments où les gens parlent, qui fait parler les gens plus ou moins, qui sélectionnait les paroles qu'ils pouvaient prononcer, qui les ait remaniés pour que ce soit fluide et que ce soit pas uniquement de l'oralité transcrite, mais vraiment de l'oralité écrite. Donc par moments, c'est vraiment, il y a beaucoup de réécriture, c'est même quasiment tout le temps de l'écriture, à partir des témoignages que j'avais. Et ça, voilà, c'était une forme qui est assez courante quand même dans l'univers des contre-cultures, du punk, et puis plus globalement dans le monde anglo-saxon de l'histoire orale, quoi. Mais c'était un jeu aussi pour moi d'arriver à créer un récit, utiliser des outils de la fiction, en fait, pour réussir à tenir aussi les lecteurs là-dedans. Alors après, en termes un peu de cuisine interne, les témoignages donc ont été enregistré uniquement par moi, transcrit uniquement par moi, le montage a été fait par moi, et avant de le faire lire à d'autres gens, j'ai fait valider aux gens interviewés leurs paroles. Pour le faire lire à d'autres, c'était un peu le contrat passé, il fallait que les gens valident les mots que je leur prêtais. Donc il y a eu parfois très peu de corrections, parfois beaucoup de corrections, parce que des fois je m'étais un peu planté dans les interprétations que j'avais pu en faire. D'autres fois, des choses que les gens avaient dites, finalement, ils se disaient qu'ils ne souhaitaient pas que ce soit rendu public. D'autres fois, j'étais un peu à côté. Voilà, il y a eu plein de types de retours. Et à partir de là, oui, il y a presque une dizaine de personnes qui ont relu le texte, sans qu'il y ait vraiment un éditeur ou une éditrice attitrée. Ce qui est peut-être un souci, mais c'est le métier que j'exerce par ailleurs. De ne pas en avoir, c'était un peu cavalier, mais voilà. En tout cas, il y a eu des lectures, ouais, tout à fait. Et les gens, en tout cas, n'ont pas eu accès, en revanche, ça c'est important sur la question de la réception ensuite, n'ont pas eu accès à l'entièreté du texte. À quelques exceptions près, ils ont eu accès uniquement à leur témoignage, du coup, ce qui peut être très bizarre, vu que si vous ouvrez le bouquin, il y a des chapitres où il y a des longs témoignages un peu des gens. On a 2 pages, donc il y a un début, un milieu, une fin. Et il y a d'autres chapitres où parfois il y a juste une ligne, ou 3 mots. Et donc, quand les gens recevaient leur parole, parfois il y avait juste oui, on prend à droite. Et puis après, ça passe à un autre sujet. Donc c'était... sans le contexte, en fait, il manquait quand même de grosses choses. Mais moi, je me sentais pas du tout d'envoyer l'entièreté du livre à tout le monde, avant publication, aussi pour... c'était une question, et en même temps, j'ai décidé de pas faire ça. Pour éviter que des gens se disent... déjà, commencent à commenter les témoignages des autres, qui pour moi appartenaient aux gens qui les avaient prononcés. Et en même temps, après voilà, ça c'est vraiment une question que je me pose maintenant, vu qu'il y a des retours critiques là-dessus, mais de se rétracter parce que la vision qui était donnée dans le livre n'était pas forcément la leur. Et ça c'est là où il y a une tension pour que je découvre maintenant dans le bouquin, je pense que j'avais pas très bien senti au début, c'est justement le fait de raconter une histoire collective, mais en étant seul. Et forcément... en prenant, mais ça c'est, je pense que de toute façon c'est impossible autrement, mais en faisant des choix aussi sur les généalogies explicatives ou les points de vue sur le lieu et sur l'histoire de la vie globalement, ou voilà. Donc ça c'est voilà, c'est un truc qui me traverse en ce moment, donc je ventile un peu. Ouais, mais c'est marrant, dans la forme, parfois on dirait que tu les fais vraiment littéralement dialoguer, quoi, c'est même pas une expression. Et tu n'y as jamais eu de moment collectif aussi où vous êtes rencontrés à plusieurs pour discuter sur certains thèmes. Il n'y a jamais eu des moments plutôt comme ça où... Il y a eu 2 entretiens collectifs, 2 couples. Mais c'est un truc que j'ai vite arrêté parce que ben, en fait, les gens, quand ils se dégagent du temps pour te répondre, ils se dégagent rare. Enfin, ils se dégagent le temps qu'ils peuvent dans leur vie occupée. Et donc là, c'était deux personnes qui se dégageaient 2 heures. Donc j'avais en gros qu'une heure par personne, ou alors 1 heure et demie pour l'un et 1 demi-heure pour l'autre, dépendamment de qui parlait le plus dans les entretiens. Et or, quand il n'y avait qu'une seule personne, c'était 2 heures uniquement avec elle. Et du coup, ça, c'était quand même... Je me suis rendu compte que c'était vraiment beaucoup mieux d'avoir une personne en direct. Après, j'ai pas fait d'entre... On m'avait soumis l'idée, une personne m'avait dit « Mais est-ce que tu comptes pas, justement, prendre un peu un panel de gens et leur faire raconter l'histoire pour voir comment, collectivement, ils racontent l'histoire ?» Ça arrivait un peu en fin d'entretien. Enfin, j'avais une pile de transcriptions à faire, j'avoue, j'ai eu un peu la flemme, mais ça, je pense que ça aurait été une super idée pour voir comment l'histoire se racontait et pas comment uniquement moi, je reconstruisais l'histoire. En revanche, sur le fait de créer des dialogues, c'est clair que à un moment, j'ai identifié un peu ce dont je voulais causer, notamment quelques événements, donc je faisais parler les gens. Si je savais qu'ils avaient été à tel moment, j'essayais de les faire parler là-dessus. C'était aussi des épisodes que les gens me racontaient spontanément, ceux sur lesquels j'ai identifié au fur et à mesure. Mais en tout cas, oui, j'ai essayé de créer artificiellement, a posteriori, une situation de dialogue. Ça, c'est sûr. En faisant juste parler les gens sur la même anecdote. Et donc de voir les différences ou les convergences, quoi. Et on fait une pause musicale avec le groupe Crotal, avec le titre 02-270-82-019. On poursuit l'interview de Demain les Flammes qui présente et s'ouvre enfin la maison close. Et en termes de... Parce que je disais aussi c'est qu'il y a un côté où tu pourrais être historien, enfin d'une certaine manière, j'ai l'impression que tu l'es un petit peu en fait. Comment est-ce que tu as... Enfin, comment est-ce que tu as démarré ton enquête? Comment ça s'est fait? Les liens, est-ce qu'il y a des gens que t'as essayé de retrouver, enfin qui ont été compliqués à retrouver, est-ce que ça s'est fait en chaîne, enfin. Ouais. Bon, alors je suis pas du tout historien, enfin en tout cas pas de formation et pas dans la pratique non plus, comme je suis pas squatteur. Mais comment j'ai commencé, c'est enfin le début de un peu de l'enquête, on va dire. C'est des histoires qu'on me raconte quand je découvre un peu ces milieux et sur ce lieu en particulier. Et je me rends compte qu'il y a des gens du coup plus âgés que moi qui ont participé à une expérience comme ça et qui se voient encore, qui se parlent encore, qui font encore des trucs ensemble. Et c'est un truc qui m'avait un peu fasciné parce que l'expérience que j'avais de squat à ce moment-là, c'était plutôt des trucs c'était plutôt des ruptures. Je me disais, ah tiens, ça c'est marrant, c'est un squat qui a duré 10 ans et les gens, ils ont l'air d'être encore potes, ils font des trucs, ils ont l'air de s'apprécier, quoi. C'est vraiment bizarre. Et donc j'avais ça en tête. Il s'avère que c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça et que... Bah oui, il y a eu des conflits, oui, il y a des gens qui se parlent plus, et je voyais des gens qui se parlaient encore, mais c'était pas le cas de tout le monde. Mais du coup, à un moment, je suis allé voir, en termes de démarche un peu d'historien, on va dire, je suis allé voir les archives qu'il y avait. Sauf qu'en voyant les archives, il y a beaucoup d'archives sur le squat, quand même, qui ont été conservées, donc au CRAS à Toulouse, un centre d'archives militant. Ils aimeraient pas que je dise militant, je pense. Un centre d'archives, il faudra couper ça, un centre d'archives. Anarchiste, ouais, voilà. Donc il y a beaucoup d'archives sur les squats dans ce lieu. et sur le squat du Clandé, mais quand même, il manque, enfin, je veux dire, il y a des tracts, il y a des comptes rendus de réunions où c'est assez vivant, mais il manquait quand même plein d'histoires, il manquait un peu la chair. C'est pour ça que j'ai aussi choisi d'aller voir les gens et d'avoir les histoires, parce que c'est là que c'est dans la mémoire qu'il y a les choses les plus vivantes et ce qui, moi, me semblait le plus parlant aussi, comme histoire généralisable, en fait, vu que je me suis rendu compte en faisant les entretiens que ce qui m'intéressait aussi, c'était beaucoup les vies des gens en tant que telles, comment les gens ils traversaient une histoire comme ça, moins l'histoire du lieu, véritablement, que comment une expérience comme ça te transforme. D'ailleurs, les gens me disaient toujours, mais ta question, ça n'a rien à voir avec le Clandé. Par exemple, c'était un peu, au bout d'un moment, je me rendais compte que je voulais plus savoir comment eux avaient vécu, étaient arrivés là, ce qu'ils en avaient fait ensuite, plutôt que vraiment une histoire factuelle. Du coup, le livre a potentiellement une valeur historique parce que c'est le seul document complet comme ça qui raconte l'histoire de ce lieu. Mais on est quand même sur un matériau qui est la mémoire, donc très volatile. J'ai eu beau essayer de vérifier au maximum les informations données, corriger si j'avais d'autres sources qui me permettaient d'amender des propos, de dire non, en effet, ça s'est pas passé là, c'est bien deux moments distincts. Ça, j'ai essayé de faire en sorte que dans le livre, il n'y ait pas de choses fausses. Vérifiable, mais après on est sur à la fois le récit des gens, l'histoire qui se sont construites, leur opinion et leur analyse sur comment eux ils étaient à l'époque et comment ça les a transformés maintenant. Il y a un peu ces trois dimensions, voilà. Et ouais. C'est du coup il y a une tension parce que c'est sous-titré histoire orale, donc il y a histoire dedans, mais quand même on est sur un type de document. Mais pour autant, pour moi, c'est pas un travail d'historien où ça demanderait des choses que j'ai pas du tout faites, que serait d'expliquer comment j'en arrive vraiment à ce document, donner aussi accès aux sources, expliciter tous les biais qu'il y a, les gens que je connais, comment sont faits les entretiens, plein de choses en fait qui permettent vraiment d'historiciser, de contextualiser la collecte notamment, parce que c'est aussi un enjeu, quoi. Il y a... ouais. Et alors, je me demandais aussi justement, j'avais des questions sur le CRAS du coup. Tu connais un peu qui a qui et quand, parce que c'est, je trouve ça hyper intéressant qu'il y ait ces archives là et que tu puisses vraiment y aller comme ouais. On va aux Archives Royales ici par exemple. C'est pas la même ambiance, mais et donc si tu, je sais pas si tu peux. Et à nous dire un peu comment ça s'est constitué. Alors je ne me laisserai pas à une histoire du CRAS, je pense que c'est fondé au début des années 80, quelque chose comme ça. Ouais. C'est créé à Perpignan ou à Toulouse, je ne sais plus, peut-être à Perpignan, non, à Toulouse, ouais. Je ne sais pas pourquoi j'ai Perpignan en tête. Mais non. C'est créé à Toulouse. Et avec l'idée de documenter les luttes en cours et puis les luttes passées, pas forcément que dans la région toulousaine, quoi. Même s'il y a beaucoup de choses, évidemment, sur les luttes locales et autour de Toulouse, il y a des fonds un peu sur plein d'autres régions, même sur d'autres pays. Et après, comment ça marche? Il y a des gens qui déposent des archives, pas tout type d'archives, ça peut être des journaux, des fanzines... des tracts, des affiches, des correspondances, tout, quoi. Enfin, des bouquins, vraiment, il y a des documents sonores, vidéos, il y a vraiment tout un ensemble de choses. Donc des gens peuvent déposer, et puis il y a un travail aussi qui est fait par les archivistes, là, ils sont trois, on va dire, actifs un peu quotidiennement, mais il y a d'autres gens qui sont autour, notamment de documenter des luttes en cours. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant pour un centre d'archives de vraiment faire ce boulot, notamment à un moment où il n'y a plus forcément tout le temps d'objets papier qui circulent, et de faire l'effort d'imprimer les textes publiés sur le net, les déclarations, les articles de fond, et encore plus quand il y a des mouvements sociaux, là, d'archiver ça au jour le jour. Et ça, c'est assez. Et la presse, enfin vraiment un peu de tout avoir. Et ça, c'est quand même vraiment passionnant, quoi. Mais il n'y a pas. Justement, hier, là, j'étais à Liège, là, il y avait des membres de l'Institut d'histoire ouvrière, économique et sociale. Qui eux ont un pan aussi de collecte de témoignages oraux, des récits de vie de militants, militantes. Et ça, c'est vraiment passionnant aussi comme aspect, justement, de dire que les archives papier doivent être complétées aussi par la mémoire, qui apporte d'autres choses, en fait, ouais, qui est complémentaire. Et donc, pour revenir aussi sur le texte et justement ce côté peut-être plus sensible que tu donnes à cette histoire. Et donc ça parle du clan D, ça parle de Toulouse en fait, qu'on découvre un peu quand on connaît pas Toulouse sous certains aspects, en tout cas sous ces aspects de l'époque. Et en fait, comme je disais au début, c'est aussi par plein de lieux qui font partie des mémoires des gens que tout d'un coup on se rend compte vraiment qu'il y a toute une époque qui est déployée. Et je trouvais ça hyper intéressant, et même justement politiquement par rapport à l'histoire, à qu'est-ce qui est en train de se passer à ce moment-là, qu'est-ce qui permet une telle vitalité. Est-ce qu'on sent vraiment dans tout le livre une grosse vitalité politique, en fait, en tout cas à Toulouse, on voit des énormément de mouvements sociaux qui se croisent avec le mouvement squat, qui est souvent mis entre guillemets un peu, etc. Et on voit aussi là ton travail peut-être plus littéraire, et je voulais peut-être juste citer un petit passage parce que je trouvais ça pas mal, je trouvais très cinématographique. Et donc c'est quelqu'un qui est à Berlin et qui va visiter quelqu'un à Berlin, et il dit sur le toit terrasse de l'immeuble où mon ami habitait, un immense drapeau rouge et noir monté sur un mât très solide claquait au vent. Je ne comprenais pas à quoi il servait jusqu'au jour où elle m'a dit de lever la tête et de regarder autour de moi. Il y avait des drapeaux rouges et noirs sur un nombre incalculable d'immeubles aux alentours. Ils marquaient la présence des squats dans la ville. J'en suis resté bouche bée. Et quand on lit ce passage, en fait, il y a vraiment quelque chose d'émouvant qui se passe, et il y a, mais un peu nostalgique d'une époque que, par exemple, je n'aurais pas connue. Mais, et en fait, j'ai pas exactement de questions, mais je me demandais un peu la place que l'époque et l'importance des lieux aussi, et de la manière dont les gens parlent des lieux, que je trouve très spécifique. Il y a aussi beaucoup de gens qui voyagent, et alors ça peut paraître un peu cliché aujourd'hui, les voyages en Inde, etc., mais peut-être que ça l'était déjà à l'époque, en fait, c'est plus difficile à dire. Voilà, il y a cette dimension-là, de quasi internationale, en fait, où même il y a un couple, à un moment, je crois que c'est un couple, qui va au Mexique, qui est quand même ultra impliqué dans des mouvements révolutionnaires mexicains, etc. Et voilà, je me demandais un peu ce que tu pensais vraiment de ce côté, en fait, tout d'un coup international, très solide, très très marquant d'un moment politique. Ouais. Ben, c'est sûr que l'histoire se passe à Toulouse, mais il y a un moment dans les entretiens, il y a une personne qui a dit, j'ai plus la phrase exacte en tête, mais on se construit toujours entre des faits et des imaginaires. Et quand elle a dit ça, je me suis dit, ah tiens, là, en fait, je sais pas ce que je voulais faire. Je me suis dit, en fait, c'est ça. C'est ça que je cherche. C'est cette relation entre comment on se construit un imaginaire politique n'importe où, en fait, et comment on arrive à le transposer après dans notre vie et dans notre vie à nous. Du coup, tous les passages que tu évoques là, sur les voyages, sur la construction d'un imaginaire internationaliste autour du mouvement squat, notamment avec l'épisode à Berlin, qui pour moi avait un peu cette fonction, de montrer l'existence, en tout cas la conscience de l'existence d'un mouvement plus large qui dépasse les gens à l'époque. C'était un peu ça, c'était montrer un peu l'imaginaire et essayer de montrer ensuite comment, à partir de cet imaginaire, les gens arrivent à mettre en place des choses politiquement très fortes, quoi. Et ouais, c'est... j'ai un peu oublié la fin de ta question, mais... Il y avait vraiment une question sur tout ça, les lieux, les... Mais après, c'est vrai, voilà. Après, une vraie difficulté pour moi, c'était... en fait, je me sens sur le clan D, mais en vrai... Enfin, je veux dire, ça aurait pu être un autre squat à Toulouse, à la même époque. C'est un peu... Il y a un effet grossissant, quoi. C'est à la fois très crève-cœur, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont parlé de plein d'autres lieux, mais parce que j'étais pris dans l'idée de faire un récit aussi un peu efficace et qui puisse être lu à d'autres endroits, qui puisse résonner à d'autres endroits, de pas non plus alourdir avec trop de choses. Donc il y a beaucoup d'évocations, mais il n'y a pas... j'ai pas trop creusé en fait d'autres lieux, alors que en fait le clan D, vraiment, si on fait une étude historique, ne se comprend que si on prend en compte toute une constellation d'autres espaces qui ont existé en même temps pendant les 10 années où il a duré, et des lieux qui ont existé avant et des lieux qui ont existé après. Du coup, ça, c'est vrai que c'était c'est un peu le travers d'une tentative comme celle-ci, qui est de mettre la focale sur un endroit, et un peu automatiquement, ça donne l'effet de masquer tout le reste. Mais j'essaie quand même de le mettre par touche, et si tu dis que tu l'as un peu senti, c'est quand même un peu cool. Après, voilà, c'est... toujours très compliqué parce que des fois une phrase mériterait vraiment d'être déployée, d'ouvrir plein de tiroirs pour arriver à comprendre pourquoi telle personne qualifie tel autre lieu de telle façon. Voilà, bon, ça c'est des enjeux après qu'on retrouve partout quand même, mais ouais. Si on veut vraiment les travailler, ça prend du temps et c'est presque un autre projet quoi. Ouais, mais c'est vrai que tu dis travers, effectivement c'est, enfin on peut appeler ça un travers. Moi je trouve justement, bah, comme je te disais, que c'est je trouve ça justement assez beau en fait d'avoir un zoom sur un endroit, sur des gens qui parfois parlent de choses très intimes, et de sentir, en fait c'est là où je trouve que le travail sensible est vraiment bien fait, c'est de sentir qu'en fait tout ça n'existe que par toute une série de connexions, toute une série de liens très concrets, et qu'il y a un écosystème qui dépasse largement la personne qui est en train de parler. Enfin, il y a pas mal d'épisodes là-dessus, et notamment enfin, d'épisodes ou d'évocations, comme tu dis, et justement ces évocations, c'est un truc qui marque très fort une époque. Et à un moment, tu parles, enfin plusieurs fois, enfin je veux dire, tu parles, les gens parlent du contexte politique de leur époque, et on sent que ça a une importance dans le sens où, sans ce contexte politique, peut-être que ça, exactement ce dont ils sont en train de parler, ne serait pas réalisable. Et donc on parle, par exemple, d'action directe, des luttes décoloniales, etc., des luttes armées. Et en fait, je me demandais, effectivement, enfin c'est une question que je me pose souvent, en fait. Comment ça se fait qu'à l'époque ils ont pu aller jusqu'à une telle radicalité quand tu vois des mecs comme Jean-Marc Grouillant, etc. Est-ce que c'est parce qu'il y avait un contexte politique derrière qui était d'une telle radicalité ou pas? Et je me demandais un peu, peut-être aussi avec l'évolution, avec le temps, comment est-ce que eux et elles le percevaient, ce changement aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont... est-ce qu'il y a un côté c'était mieux avant? Est-ce que le clan D c'était ce moment-là qui a été permis par toutes sortes de choses qui ne sont plus là? Ou est-ce qu'il y a ce sentiment quand même que voilà, il y a encore suffisamment de vibrations là maintenant pour que des pour que ça se fasse quoi. Ouais. Enfin pas forcément ça, mais quelque chose. Ouais. Bah sur la question de la radicalité, c'est vrai que moi c'est une question que j'ai eue et que j'ai posée à des gens dans les entretiens. C'était bon, en fait, vous me racontez des histoires, mais c'est quoi? Vous étiez vraiment des gros dingues, ou c'était normal un peu de faire ça, un peu un truc? Parce que vu de maintenant, il y a des choses, des pratiques, en fait, qui, en fait, aujourd'hui, je pense, sont hyper dangereuses en termes de répression. Voilà, donc j'avais un peu des questionnements comme ça, et où les gens, voilà, il y avait toujours quand même beaucoup d'humilité parmi les personnes qui ont répondu. Et spécifiquement sur la question de la lutte armée, y a deux personnes qui témoignent dans le bouquin et qui racontent avoir participé un peu à des... Enfin, qui l'évoquent, à participer aux luttes dans les années 80, assez radicales à Toulouse. Et justement, racontent leur arrivée en clan D en disant, bah voilà, on était fatigués d'anciennes pratiques et en fait, on a débarqué avec des gens plus jeunes que nous et on a pris... On a essayé de ne pas arriver avec toutes nos pratiques à nous, mais de nous laisser aussi porter par cette nouvelle énergie. Et il disait, voilà, c'était... Une des personnes dit, ils n'étaient pas aussi radicaux que nous dans la pratique, sous-entendu parce que aussi c'était une époque différente, mais ils étaient tout autant dans ce à quoi ils aspiraient. Et ça, je pense que c'est aussi, moi, une leçon que j'ai appris en écoutant ça. C'est l'enjeu, c'est pas de reproduire ce qu'ont pu faire des aînés avant nous, c'est de trouver les formes qui aujourd'hui correspondent à ce qu'on peut faire, quoi. Et justement s'inspirer d'avant pour arriver à trouver de nouvelles manières. Et après, je pense que oui, il y a plein de manières aujourd'hui de faire des choses. Enfin, je veux dire, c'est prouvé un peu par plein de gens quotidiennement qu'ils le font, quoi. Ouais, ouais. A lot of men died. You had the power to help me, but you didn't. So, we can square it for them right here. We drop you in a hole and all debts are paid. How much I want? but it's not. Well, gentlemen, how did you like the sample? And now this message. Et on poursuit l'interview de Paulin des éditions Demain les Flammes qui présente et s'ouvre enfin la maison close. Et aussi en parlant de différentes époques, moi, enfin pas que différentes époques, mais je trouve que ce qui est marquant, et tu en parlais d'ailleurs juste avant, tu disais comment les gens se sont transformés, et en fait cette expression de comment les gens se sont transformés passe de manière très concrète et très quotidienne dans les entretiens, et il y a notamment un passage où il y a une personne qui dit, je sais plus très bien comment elle l'exprime, mais elle dit en gros, moi je suis arrivé dans le squat, j'ai appris comment la France est présente en Afrique, je sais pas, on va dire un autre problème, je me rappelle plus exactement, et comment poncer un parquet. Et j'ai trouvé ça génial de se dire, en fait voilà, c'est ça dont on parle quand on parle de transformation par une expérience, c'est tout d'un coup tout un apprentissage, et enfin voilà, ça c'était juste un peu une remarque parce que je trouvais ça beau et je trouve que ça transparaît énormément. Et alors il y a un passage que je vais en profiter aussi pour revenir dessus, parce que en fait il y a beaucoup la question qui traverse, c'est là où on voit que les gens aussi entre deux époques, notamment par exemple de la violence, mais aussi de par exemple du féminisme et des violences de genre qui ont pu avoir à ce moment-là, et de la manière de les percevoir et de la manière d'aujourd'hui les percevoir. Et je trouve il y a un moment très beau où on voit quelqu'un qui en fait nous explique son apprentissage en tant que femme d'un certain type de féminisme, etc., et du premier atelier non mix qu'elles ont créé entre elles. Et alors il y a une personne qui explique, lors d'un atelier, il fallait tirer une phrase d'un chapeau et dire ce qu'elle nous évoquait. Une fille pioche, une femme dans chaque port. Je pense, ah bah voyons, les mecs sont tous les mêmes, une de perdue, 10 de retrouvée. La fille, elle, lève les yeux au ciel et dit, cette phrase m'évoque l'amitié et le fait qu'une femme ou une compagne solidaire m'attendra où que j'aille. Elle n'était pas écrabouillée par le discours machiste, j'étais époustouflée. En fait, ce week-end est une révélation. Il m'a introduit à un nouveau féminisme que je ne connaissais pas. Il aère complètement l'image vieillotte et rigide que j'avais du féminisme. Si le clandé n'avait servi qu'à ça, franchement, ça suffirait. Et je trouve ça aussi très beau, cet apprentissage. Et encore une fois, j'ai pas tellement de questions. Peut-être savoir aussi comment... Enfin, qu'est-ce que t'en as perçu aussi de cet apprentissage vraiment... qu'on pourrait appeler théorique, mais qui est vraiment concret et sensible dans les entretiens, de la manière par laquelle les gens se sont transformés, justement. Ouais. Bah ouais, cet épisode, c'est marrant. Enfin, il y a beaucoup de retours de lecture qui se focalisent sur cet épisode-là en particulier, sur cette question de l'arrivée d'un week-end en non-mixité. Mais en vrai, c'est que quand j'ai commencé un entretien, donc pas avec cette personne-là, mais avec une autre qui parle aussi sur cet épisode. C'est une des premières choses qu'elle m'a dit. Il va falloir que je te parle du week-end en non-mixité. C'était un peu un des premiers trucs. Là, je me suis dit, bon, là, peut-être que quand même, on l'avait un peu évoqué, mais là, c'était vraiment, en fait, l'objet de l'entretien. Il faut que ce soit beaucoup ça. Donc, c'est aussi des moments comme ça où je me suis dit, en fait, c'est très important Je pensais pas forcément au début, j'avais vu passer dans les archives, il y avait justement des dans les archives papier là, des comptes rendus, des embrouilles un peu, je voyais qu'il y avait eu un truc, il y avait eu de gros textes qui existaient dans les archives quoi sur cette question. Du coup je me disais que c'était passé quelque chose, mais c'était pas je m'étais pas dit que ça allait être vraiment forcément l'objet, mais là c'est vraiment des gens en fait qui m'en ont causé très vite et très fort quoi, et où je trouvais qu'il y avait des témoignages impressionnants, celui-ci puis d'autres, je sais pas, quelqu'un, c'est la même personne qui raconte la lecture d'un bouquin de Christine Delphi sur la terrasse au lever du soleil ou au coucher du soleil, en disant que c'était vraiment limpide, qu'après elle essaie de relire le texte toute seule et que franchement c'était beaucoup moins limpide. Bon voilà, des choses comme ça que je trouve assez magiques en fait, qui pour moi voilà, ouvrent des petites fenêtres sur ce que peuvent être ce genre d'espace, un moment vraiment de conflit très fort, et qui après en fait, ben, en vrai, on crée une nouvelle forme un peu de normalité, quoi. C'est-à-dire que maintenant, la non-mixité n'est plus un enjeu dans ces milieux-là de cette nature. Et je trouvais ça intéressant de se reposer la question de comment, à un moment, des pratiques qui nous semblent habituelles et quotidiennes, en fait, ont dû être, ont été vraiment des objets de lutte et de conflit, quoi. Donc ça aurait pu être, ça pourrait être autre chose, mais ça, c'était quand même particulièrement parlant. Et puis, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui m'en ont causé. Donc là, sur cet épisode, par exemple, j'ai mis aucun homme, aucun homme n'en parle, mais certains en ont parlé, voilà, quand même. C'est vrai que j'ai fait le choix de ne mettre que des femmes pour en causer, mais je veux dire, il y avait des retours quand même très intéressants de certains hommes disant, en fait, on était contre, ou bien on était sans avis, et en fait, à rebours, on se dit que, enfin, je me dis que, en fait, c'était une bêtise, quoi. Enfin, j'aurais dû m'en rendre compte sur le moment. Enfin, un peu, voilà, quand même des retours critiques. Mais il y a une personne qui dit ça. Et je trouvais ça beaucoup plus intéressant de. Quelle porte ce discours-là? Parce que, enfin, je sais pas, c'est d'une autre dimension. Et là, il y a une autre dimension que je trouve. Que je trouve sympa dans le livre, c'est il y a vraiment une sorte de dimension humoristique, mais il y a plusieurs moments en fait qui sont racontés. C'est des moments souvent, par exemple, de confrontation avec la police ou avec des vigiles ou des machins comme ça, et où vraiment, enfin, c'est quasi scénar, enfin, on dirait que c'est scénarisé, c'est drôle et tout. Je me demandais un petit peu, sans que ça n'ait aucune importance, le vrai et le faux, mais à quel point il y avait justement des moments de création. De l'entretien, ou est-ce que c'est vraiment propre à peut-être au mouvement squat de l'époque d'avoir ce type d'intervention là, mais il y a un moment ils prennent un train pour touristes en otage qui est assez génial, par exemple, je pense notamment à ce moment, et voilà, je sais pas, je me demandais par rapport à tous ces micro-événements assez marrants. Ah ouais, bah, il fallait quand même un peu des récits de vieux combattants, quoi, sinon c'est pas drôle. Il y avait ça, et bah, en même temps, parce que je trouve ça donne ce que je trouve marquant dans cette histoire vraiment particulière, c'est la joie qu'il y avait quand même à mener des luttes, et en fait à mener des luttes de façon aussi assez humoristique, tout en étant dans quelque chose d'assez radical aussi, quelque chose qui fait plaisir en fait à entendre aussi, qui m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien d'entendre cette histoire, de savoir qu'on pouvait aussi mener des actions politiques comme ça, mais pas que de cette façon. Donc et puis l'histoire du petit train, c'est vraiment rigolo, parce qu'à la fois, il y a évidemment du mythe. Moi, j'avais entendu, voilà, le petit train a été attaqué, on a pris le contrôle du petit train et tout. Donc j'imaginais la suite. Je me disais, bah, du coup, les gens ont fait le tour de la ville avec, il y avait des banderoles pour le clandé, ça a duré des heures. Enfin, j'imaginais ça, quoi, parce que... En fait, on n'avait jamais raconté la fin de l'histoire avant de vraiment faire le bouquin. Et la fin de l'histoire est un peu moins glorieuse, donc elle est un peu moins racontée. Ça dure pas très longtemps, en fait... Ben, les banderoles tiennent pas parce que des mamies les enlèvent avec des canifs. Le conducteur est pas d'accord, il donne pas les clés et il fonce vers la préfecture. Donc ça se finit mal en fait. Mais ça, je savais pas avant de vraiment poser les questions directement aux gens et d'écouter. Et donc je trouvais ça à la fois rigolo d'avoir le mythe et puis l'envers du mythe, quoi. Et ça donne un truc aussi, je sais pas. Ok, on peut faire des trucs et on peut se planter. Ouais. Et puis pour autant, c'est pas très grave, quoi. Ça rend le truc plus palpable, enfin en tout cas plus appropriable, je trouvais, de raconter ça. Après, en vrai, ce genre d'histoire, c'est quand même du pain béni narratif, quoi. Parce que les gens les ont racontés plein de fois, ils ont l'habitude. Des gens ont beaucoup de gouailles. Voilà, c'était aussi, il fallait un peu, moi, que je lutte contre la tentation de laisser trop les gouailleurs parler. Parce que des fois, c'est facile, il y a des gens, mais en vrai, c'est une question plus globale, c'est qu'il y a des gens, ils racontent super bien les histoires. Mais peut-être qu'ils n'étaient pas là. Il y a des moments comme ça, quelqu'un qui parle des noms, mais tu racontes ce truc, mais tu n'y étais pas. Ah bon ? Mais on me l'a raconté tellement de fois que je pensais y être. Bon, là, il y a des moments un peu marrants de cette nature. Mais aussi, en fait, c'est qu'il y a des gens qui sont beaucoup moins à l'aise avec le récit, quoi. Et pour autant, qui avaient un rôle prépondérant. Ou alors, ils sont moins à l'aise, ou moi, j'ai pas réussi à les faire parler, ou c'était pas le bon moment. Donc, j'avais des entretiens où j'arrivais pas. Des gens essentiels ont une place mineure dans le bouquin. Enfin, essentiels dans le groupe voilà, de l'époque et tout. Et ça, c'était. Il y avait toujours les deux. Enfin, les deux arguments, quoi. On va dire une forme de vérité historique, je mets de gros guillemets, mais en tout cas l'implication des gens, leur position, ce qu'ils ont pu apporter, et en même temps ben, raconter l'histoire, ce qui des fois est vraiment deux choses différentes. D'où l'idée aussi à un moment d'avoir des parties où c'était des chœurs collectifs, en disant on va oublier les prénoms, et en fait on va juste entendre une histoire racontée par plein de gens. Et comme ça on essaiera de noyer un peu la personnalisation, même si quand même, c'est toujours... Il y a toujours les deux pans, quoi. Il faut que j'arrive à ce que certaines personnes soient reconnaissables pour faciliter je sais pas, l'accroche à un personnage dans le récit en tant que tel. Mais voilà. En tout cas, la gouaille, voilà, c'était cool. Que la vie nous assène, nous assomme. On les exprime sur scène en se foutant de l'assassin. Pour l'essentiel c'est que ça sonne. Ils veulent des rimes faciles, du do ré mi fa sol. À croire que la demeure les fascine autant qu'elle nous façonne. Mais avant que le bonheur nous fascine, on connaît leur sale besogne. Tellement longtemps qu'ils nous bassinent qu'on devrait s'épanouir dans notre pince somme. Être embauché sans empocher la somme. Ou en somme, nous ne sommes que des sous-hommes, leurs bêtes de somme. Pour ça qu'on pète ce qu'ils aiment. Les pubs, le fric, les banques, la propagande qu'ils aiment. Et y'a pas que ma bande qui a le seum. Une mauvaise pente qu'on harcèle, pousser vers le commercial, réussir comme un connard seul, cultiver son côté bestial. On est censé les comprendre, rentrer dans leur tête, rentrer dans leur ventre, l'antre de la bête. On est censé tout confondre, les joies, l'argent et la fête, pour éviter qu'on s'y confronte. Mais on sait largement qu'en fait, nos idées fondent et cela malgré la gonflette. Privés de nos vies dont on espère la reconquête, tous perdus dans la compète, où les plus cons se la pètent, appâtés par leur pépette, pour cela que leur cœur palpite. Droit dans le mur, nous sommes des hommes pressés. Droit dans le mur, nos vies un avis d'essai. Droit dans le mur, juste là pour acquiescer. Droit dans le mur, on y fonce tête baissée. Droit dans le mur, nous sommes des hommes pressés. Droit dans le mur, nos vies un avis d'essai. Droit dans le mur, juste là pour acquiescer. Droit dans le mur, toute allure tête baissée. Mais qu'on enflamme Paname, on n'a pas d'armes, on lance du macadam. Nos stocks de larmes, de vagues à l'âme, de leur silence face au drame, on préfère le vacarme. Car les gens dorment et les gendarmes bloquent le signal d'alarme. T'étonnes pas que tout crame, tout comme le bruit de nos chaînes. Nos pertes et fracas résonnent dans nos crânes. Nos vitres au chêne, sans charme, et toujours traités comme en marche. Nous dégoûtés, t'inquiète, les flics s'en chargent quand ils nous chargent. Serrés sous leur carapace alors qu'il n'y a pas la place. Fondus dans la masse, foutus dans la nasse, ils nous foutent dans la passe. Des coups de matraque pour seule réponse, ça nous pousse à la casse. Leur répression pour qu'on renonce et nous suive à la trace. Perquisition, assignation à résidence, mais notre détermination est immense. Ils peuvent tester notre résilience par leur état d'urgence. Nos idées se condensent dans les projectiles qu'on lance. Nos actions reflètent ce qu'on pense. Droit dans le mur, nous sommes des hommes pressés. Droit dans le mur, nos vies un avis d'essai. Droit dans le mur, juste là pour acquiescer. Droit dans le mur, on y fonce tête baissée. Droit dans le mur, nous sommes des hommes pressés. Droit dans le mur, nos vies un avis d'essai. Droit dans le mur, juste là pour acquiescer. Droit dans le mur, toute allure tête baissée. Mais qui le plus devrait apprendre la politesse. Est-ce la police ou la thèse? Ouais mec, on atteste et on connaît la réponse. La mort d'Adama en atteste. Tout le monde s'encarre à croire que les gâtiers car on la peste. Les politicards nous empestent. Tout le monde s'empête, suivent le sens du vent. De façon dans la tempête, ils tournent leur veste. S'ils sont si souvent décevants, c'est qu'ils se vendent et s'en vantent. Finissent par croire les histoires qu'ils s'inventent. Qu'ils s'imaginent savantes et nous expliquent sans honte que lui mérite sa rente et qu'on remplisse son compte. Même quand le fric s'arrange et quand leur chiffre d'affaires monte. Ils aiment bien les réformes mais qu'elles soient lentes. Et ouais, c'est sûr, ils ont le temps, ils sont tranquilles, posés. Ils ont la belle maison, la belle situation. Pour eux, rien n'est urgent, rien n'est pressé. Non, c'est sûr, ils ont le temps, mais nous, en attendant, on va. Droit dans le mur.